la vie. Moi j'ai choisi de chanter. La crise des surprises, ça me déprime. Tu veux passer à l'action, je ne vois pas d'obligation. Mais quand même, donne-moi ton pognon.